En mode debout éducation populaire. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, on a debout éducation populaire a toujours fait les ouvertures de balles. De balles, B-A-L. C'est l'ouverture, quoi. C'est. Je ne sais pas, je ne connais pas Benjamin Ball. Donc du coup, voilà, ça nous fait un petit quelque chose d'être là. Je sais pas si tout le monde était là le soir du 31 mars, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur. Il y avait beaucoup plus de pluie à l'époque, il y avait moins de vent. Et tout ça pour vous dire qu'on va commencer donc avec notre premier intervenant. Qui va nous annoncer de bien belles choses et je. Dès qu'il est prêt, un signe. Hein? Comme c'est enregistré, tu parles dans le micro. J'ai pas besoin de micro là, non? Non? Donc je vais inverser mon intervention, Adèle, Edwige et Adrien. Bonjour, Adège, Edwige, Adrien. Donc, je suis Nietzschéen, Spinoziste. Donc, je vous ai préparé deux pages sur Nietzsche et Spinoza. Ouais, ouais. Mais comme ça, ça peut faire venir. Ça dure 5 minutes, je crois. Bonjour messieurs, dames, approchez, nous allons faire une petite discussion sur la philosophie et sur des projets pour étudier ensemble la philosophie et autres disciplines. Vous pouvez venir monsieur. Ici oui à deux, se résumer à un grand oui à soi dans son entier et dans son histoire. Oui à son devenir. Oui à l'injonction philosophique grecque reprise par Nietzsche, deviens ce que tu es. Oui au mouvement de l'être, oui à l'accroissement de l'être. Or, ce mouvement, singulier et nécessaire à chaque homme et femme, semble aujourd'hui pour le mieux en perte de vitesse. On est comme on est, ça va de pair avec c'est comme ça. Toute personne qui s'oppose à cette maxime est jugée intolérante et liberticide. On est comme on est. C'est un postulat de notre société. Et c'est comme ça, c'est son corollaire. Donc nous, la doxa, cette même doxa, nous considère comme intolérante et liberticide. Elle ne considère plus qu'une bonne convergence des devenirs de chacun est une condition nécessaire à un demain possible et souhaitable. La doxa, en fait, ne rêve plus. Il est aujourd'hui d'usage de penser qu'une nouvelle société adviendra grâce à de nouveaux progrès techniques. On croit dans ça. Ou même grâce à de nouvelles législations. Et ainsi, l'homme contemporain attend des solutions et écoute les hommes qui disent en avoir. Ça va ? Il se perd et s'oublie. Et s'en va dans les salles de sport pour sculpter son corps. S'améliorer n'est plus à l'ordre du jour. Et certains pensent même qu'une modification d'un brin d'ADN le permettra un jour. Vaste croyance. L'histoire a pris une tournure passive, elle est subie. Ici, à Nuit Debout, 4 personnes, 5, des individus refusent cette fatalité annoncée. Maintenant, on parle université ou je continue 2 minutes? Je vais continuer 2 minutes. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'être qui est en manque de devenir, il étouffe. La vie qui doit s'écouler, elle reste confinée. Et voilà, les tensions apparaissent. Et notre temps est celui des ressentiments et des névroses. Ici, nous ne voulons plus cela, tout simplement. Comment cette immobilité contemporaine est-elle rendue possible? Peut-être parce que la liberté de l'homme s'est réduite à sa liberté de consommer. Or, c'est la liberté qui permet ce oui et enclenche ce mouvement. Liberté par rapport à l'éducation, liberté par rapport aux acquis familiaux, et liberté de façon plus globale sur ce cadre qui nous est donné, aux choses qui sont permises et aux choses qui ne se font pas. En fait, toutes les libertés qui sont défendues par nos multiples commissions à Paris et en province. Quelles sont les forces en présence dans cette affaire? D'un côté, il y a la loi des hommes, qui a à mon sens, tout à mon sens d'ailleurs, une bienséance qui se mélange au mode et au moral. Et de l'autre côté, il y a le désir de chacun qui crée le mouvement. Mon expérience au sein de Nuit Debout et des grands voisins dont on va parler par la suite articule de façon insolente ces deux contraintes, c'est-à-dire la loi, pour redire, pour être clair, d'un côté, et de l'autre côté, le désir de l'individu. Et in fine, introduit le devenir de chacun, c'est-à-dire la volonté de puissance nietzschéenne, si incomprise, si mal comprise, parce que là, il faut le dire, il faut, si on parle de ça, il faut dire que ça ne veut en rien dire avoir de la puissance sur l'autre, la volonté de puissance nietzschéenne. Ça veut dire vivre plus, exister plus. Donc, cela semble à première vue destituer la réponse collective, ce que je vous dis. Et vous me dites pourquoi je suis là. Mais ce serait faire sans Spinoza. Car chaque devenir qui est libre, c'est-à-dire qui épouse la nécessité spinoziste, c'est-à-dire qui reste solidaire de la réalité, chaque devenir ainsi généré se donne au collectif. En d'autres termes, je vis mieux, plus grand, plus beau, et nous vivons mieux, plus grand, plus beau. Donc certes, débattre et proposer des cadres à l'action collective, oui, et je vous encourage, et c'est extraordinaire ce qui a été réalisé. Mais ne pas attendre ces cadres pour agir. Construire une mécanique du système, oui, mais ne pas arrêter la dynamique du vivant. Parler du comment aussi, oui, mais ne pas oublier le quoi et les désirs en devenir qui irriguent chaque action. Ainsi, contrairement au grand système bardé de procédures, là on peut les citer, là tous nos amis BNP, Crédit Agricole et tout le bazar, le système de Nuit Debout, trop labyrinthique, avec de grands espaces, mais aussi avec des faux fuyants, des gestes manqués, qui est toujours et encore en élaboration, n'assèche pas le désir. Ici, nous avons encore le désir. Ce désir s'écarte sur la place, et ainsi parfois un moment de liberté, un deboutiste se met en mouvement, et son désir se cristallise dans un projet qui se donne au collectif. Ainsi les choses bougent, et ainsi nous changerons le monde. Donc c'est Camille, c'est Antoine, c'est Adèle, c'est Malonjo, c'est tous ces gens que j'ai rencontrés qui ont porté des initiatives, Sophie, Mehdi, Karim, etc. Donc voilà, mais c'est aussi Vincent, François, Paul et les autres, ici à Paris et partout dans le monde. C'est pas une affaire de communauté. C'est pas une affaire de discipline. Nuit Debout s'inscrit dans un mouvement mondial. Donc la réponse à demain réside dans cette liberté de chacun à surfer sur le système pour créer et innover, pour attraper des moments et les faire apparaître plus tard, plus grands. Libérons les réponses individuelles. Elles sont par nature généreuses. Car l'homme est bon, au fond, entre parenthèses, j'ai mis. Gardons-nous de tout vouloir contrôler et acceptons les voix discordantes. C'est de là que le mouvement s'enclenche. Il me revient le mot de George Sand à propos de Victor Hugo. Ses défauts sont l'excès de ses qualités. Et je ne crois pas qu'il faille lui dire « Vous courez sur la crête des toits, on le ferait peut-être tomber. » Et l'on aurait tué un grand homme de plus. Nuit Debout est remplie de grands hommes et de femmes extraordinaires. L'enjeu est bien celui de la nature de la révolution qui atteindra son but. Moi, personnellement, je crois dans la révolution moléculaire de Deleuze. Je crois dans le... Voilà. Ouais, voilà. Et donc, phrase de conclusion, c'était « J'appelle chaque individu à se mettre en mouvement sans attendre le système, le devenir s'impatiente. » Voilà, c'est... Monsieur, excusez-moi, merci. C'est fini. Maintenant, merci, merci. Un autre autiste. Maintenant, on va parler du projet pendant 3 minutes. Ça va? Ça va? Vous êtes... Qui était contre? Personne qui est contre. Ils sont tous d'accord, t'as vu? Donc, je vais vous présenter avec Edwige. Du moins, elle va rester assise ou je sais pas. Mais en tout cas, Edwige et moi, allons vous présenter quelque chose qui est en stade de projet, mais qui serait un projet qui a un beau devenir, pour faire le lien avec le passage précédent. Donc, j'avais prévu de me présenter au départ. Ça va être maintenant en 4 lignes. À Nuit Debout, je suis d'abord le colleur d'affiches. J'ai collé 500 affiches politico-philosophiques. Je suis auteur, romancier, j'ai un roman à l'ASCA qui est paru. Je suis enseignant en histoire de l'art et je travaille au Grand Voisin depuis 2 ans dans une association, dans l'association Culture du Cœur. Mais je me présente devant vous en tant qu'individu. Nous avons la possibilité de belles opportunités sur le site des Grands Voisins, du moins en projet. C'est-à-dire dans cet ancien hôpital au centre de Paris, 9 bâtiments, 3 hectares. 1 millier de personnes travaillent dans des associations et des entreprises, et 1 autre millier, demandeurs d'asile, hébergés, SDF, y vivent. C'est un îlot improbable d'expérimentation, mais ce site va se terminer à la fin de l'année, parce qu'il y aura une opération immobilière à la fin de l'année. Donc il vient d'être mis en état, sur ce site, un amphithéâtre de 120 places. Accessible aux personnes handicapées, qui a une surface de scène de 30 mètres carrés, avec des points d'eau, des WC, une sonorisation, et des salles attenantes d'environ 120 mètres carrés. Autant dire, Edwige, que c'est un super amphithéâtre. Actuellement, il est loué 300 euros pour 3 heures. Nous avons la possibilité de proposer un projet afin d'avoir cet amphithéâtre gratuitement, hebdomadairement, pendant plusieurs heures. En d'autres, les mots sont compliqués, mais c'est pourquoi c'est le projet de créer une université populaire Nuit Debout, une université populaire debout, ou une université apatride, ou une université, je ne sais pas trop quoi, mais une université nouvelle, en tout cas, de tout le monde, pour transmettre un savoir libre, novateur, pour œuvrer à la convergence des luttes. Pour ouvrir dans Paris un lieu d'apprentissage pointu, ouvert à tous, gratuit, sans contrainte ni prérequis d'accès. Pour diffuser de la philosophie, de la biologie, de l'histoire, de la physique, de l'anthropologie, de l'astrophysique, de la traductologie, de la géographie, de la mythocritique, de la psychanalyse, des mathématiques, etc., etc. Pour obtenir un oui, il faut présenter un projet solide et présenter une planification jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous avons besoin, Edwige, moi et également les personnes qui nous ont aidés, qu'on connaît, tout le monde, nous avons tous besoin, tout d'abord, d'un... Dans l'ordre, en fait, on a besoin pour, rapidement, de pouvoir présenter une liste d'intervenants possibles. Nous avons déjà en possible, il y a Frédéric Lordan, Aurélien Barraud, il y a des universitaires, il y a des philosophes, mais il nous faut encore des noms qui claquent et qui pètent. J'aurais adoré John Lennon, mais on peut pas, on fait pas de rock non plus, il n'y a pas de musique. Si. Donc, pour ce faire, une page Facebook a été créée, Projet Université Populaire Debout, dans laquelle chacun qui connaît quelqu'un qui a un savoir, il ne s'agit pas d'un forum, qui a un savoir qui pourrait intervenir, nous vous encourageons ou à communiquer à Camille, Adèle, ou Raled, ou à toutes les personnes de l'organisation, des noms de personnes qui pourraient intervenir. Donc une page Facebook existe, Université Populaire en projet. Elle débuterait avant l'été et se terminerait forcément avant la fin de l'année parce que les grands voisins vont être détruits. Ainsi va avancer ce projet et voilà. Ça y est, c'est fini. Merci. Ça y est. Bonjour. Alors, dans les années 68-70, il y avait une magnifique université qui s'appelait Vincennes. Dans cette université, pouvaient étudier les gens qui n'avaient pas le bac. C'était extraordinaire. Se sont faites dans ce lieu des expériences magnifiques qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Cette université a marché un certain nombre d'années. Il y avait les plus grands noms, Lacan, Deleuze, enfin tout, la Passade. On y faisait de tout, de la philosophie en passant par les mathématiques, du cinéma, du touche-touche, expression totale, vous savez, toutes ces activités un peu New Age. Mais ça fait rien, c'était bien quand même. Donc cette université, bien entendu, n'a pas pu perdurer parce que les pouvoirs politiques ne supportent pas la liberté d'étudier et d'apprendre. Les pouvoirs politiques ne supportent pas que les gens de la base, sans formation, sans bac, puissent être enseignés et venir partager des savoirs avec d'autres gens qui ne sont jamais passés par les grandes écoles ni par les universités. Donc moi, j'ai toujours été nostalgique de ce temps. Ensuite, Vincennes s'est transformé en université normale à Saint-Denis. Alors au départ, de Saint-Denis, les gens pouvaient encore venir sans le bac. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de migrants à l'époque qui venaient. C'était extraordinaire. Et puis, petit à petit, eh bien, on a exigé des choses, des cartes de séjour, des machins, des trucs et des bidules. Donc, tout l'esprit de Vincennes, qui avait perduré à Saint-Denis, est quand même parti en fumée. Donc moi je rêve, enfin pas complètement, mais en grande partie. Donc moi j'ai toujours rêvé de retrouver cet esprit et de proposer aux gens de pouvoir étudier comme ça. Donc c'est pourquoi dans le cadre de Nuit Debout, je me suis dit c'est possible de créer quelque chose à plus petite échelle, bien sûr. Alors nous avons ce lieu des grands voisins. Il nous faut des lieux gratuits, donc cet amphithéâtre. Cet amphithéâtre gratuit pourrait être mis à disposition de gens qui viennent ici, voilà, Emon, qui ont envie de s'instruire, mais qui n'osent pas. Et nous voulons de la qualité, donc nous inviterons effectivement des gens un peu pointus dans leur discipline. Je ne parle pas d'experts, hein. Je ne parle pas d'experts. Des gens un peu pointus dans leur discipline, c'est-à-dire qui ont quand même bossé des sujets que l'on pourra discuter, bien sûr. Mais il y a des savoirs qui doivent se transmettre. Tout le monde ne peut pas tout le temps, moi ceci, moi cela, moi ceci, ma cousine. Non, il y a des choses à savoir. Il y a des thèmes et des études à discuter et à apprendre. Voilà, nous espérons que ça va marcher. Bon après-midi à tout le monde. Donc c'est ce projet a une date de fin, pour que ça soit bien clair. L'éco-quartier, c'est-à-dire l'opération immobilière qui va rapporter un max de pognon à certains, va avoir lieu à la fin de l'année. Donc le projet, c'est bien d'ouvrir un lieu d'apprentissage hebdomadaire de 4 heures avec des universitaires, avec des gens qui vont apprendre aux autres et un lieu ouvert. Donc n'hésitez pas à vous. Voilà que l'appel a entendu là. C'est bon, on avait dit, mais c'est bon, on a pas bien fini. Merci. Ok. Parce que, non, il va y avoir la musique. Mais de rien, merci pour nous avoir présenté ce projet. Donc, de toute façon, on aura les liens sur le site d'EducPop, tout ça, je suppose. Ouais, d'accord. Donc il y aura bien les liens sur educpop.org debout et j'ai une main qui se lève, une réaction peut-être. Oui, c'est pour savoir, on fait quoi là? On passe au sujet suivant ou les gens ils peuvent intervenir? Alors, comme d'habitude à Debout d'éducation populaire, s'il y a des réactions, je sens qu'il y a une réaction. Ok. Je sais pas pourquoi elle veut pas que je parle, en plus c'est pour eux, c'est vachement. Elle me dit je te connais, je sais pas quoi. Enfin bon bref. C'était simplement pour leur demander aux deux, à Frédéric et à Edwige, est-ce que vous êtes coordonnés avec des gens de Paris 8 qui sont en ce moment en train d'occuper et de HESS qui créent ce qu'on appelle l'UFR 0. Je rappelle ce que c'est que l'UFR 0. En 2007, il y a des gens comme ça qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit, eh ben, on va organiser des savoirs qui vont être ouverts à tout le monde, comme ce que tu veux, exactement la même chose. C'est pour ça. Ouais, mais je te donne simplement une idée, après t'en fais ce que t'en veux, je te dis simplement, Edwige et Frédéric, vous en faites ce que vous en voulez, mais il se trouve que c'est des gens qui ont la même idée que vous et qui font la même chose que vous et qui s'appellent l'UFR 0. L'UFR 0, c'est ça. C'est moi j'en ai fait partie un peu en 2007, j'ai connu le départ et ça a repris après. C'était l'idée que Vincennes était un peu mort et qu'il fallait recréer des savoirs, etc. C'est là-bas, c'est à Paris 8, hein, c'est Vincennes, c'est ce dont tu parles exactement. Et donc voilà, Mais je te demande, je te dis, tu pourrais faire des échanges, voilà. Après tu vois, moi je te donne juste une idée. Après ça te plaît pas. C'est pas une idée, Ralette, que tu nous. Il faudrait qu'on ait une vingtaine de personnes pour nous gérer, pour nous aider. Dans Ralette, tu vas voir avec l'UFR 0 les liens. Non, pour voir avec l'UFR 0, j'ai pas dit le mot gérer. Ils sont en fac. Qu'est-ce que tu réponds à fac? Ils sont en fac. Ils sont pas dans la même démarche. J'entends à gauche, ils sont en fac. Et c'est vrai. C'est vrai que nous voulons nous démarquer du savoir universitaire. Je suis d'accord avec Edwige. Nous voulons nous démarquer du savoir universitaire. Peut-être, il y a peut-être des SDF sur la place qui vont donner des cours. Alors voilà, donc on évite toujours les discussions à l'éduc pop, de l'éducation populaire. Il est vendredi, tout va bien se passer, il y a un peu de vent, t'inquiète. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres réactions par rapport à ce qui a été dit ou pas? Non, pas d'autres réactions, des choses... Donc je répète, voilà, vous trouvez toutes les informations. Ah, une réaction. Oui, alors c'est juste une question, a priori les cours ils commenceraient quand, à quelle date? Nous avons où on va aborder dans 15 jours une réunion. Donc d'ici un mois, nous allons être fixés clairement si c'est possible, c'est-à-dire si on peut avoir l'amphithéâtre gratuit. Après, tout peut s'enchaîner donc rapidement. On peut te dire quand, j'en sais rien à cette réponse, parce que là on est sur du conditionnel. Mais si tout se passe bien, on peut imaginer que dans un mois et demi, ça puisse commencer. Un mois et demi, deux mois. Voilà. Mais il me semble que pour que ça se passe, il faut proposer un planning sur 8 mois. C'est-à-dire, il faut mettre en position l'autre personne de ne pas pouvoir dire non à ce projet. Donc, en combien de temps on peut constituer un planning? En combien de temps on peut avoir le nom d'intervenant solide dans toutes les disciplines, dans une approche et solidaire, mais pas forcément universitaire? Voilà. Ok, merci. D'autres questions, d'autres réactions par rapport à ce qui a été dit ou on passe au point suivant? Ok, alors je vais juste faire un point technique, puisqu'effectivement j'ai dit tout à l'heure qu'on ouvrait le bal. Donc ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a un bal après. On va bientôt, dans un petit peu plus longtemps de la journée, donc il va y avoir des ateliers, il y aura une assemblée, il y aura Écologie Debout qui viendra sur la place. Il y aura peut-être même un jardin debout, donc n'hésitez pas, si vous avez des bouteilles en plastique, de la terre, des graines, tout ce que vous voulez, à les ramener aux alentours de 16h, 16h30, et on va essayer de faire un petit jardin comme à la bonne époque de l'année dernière. L'intervenant suivant, c'est qui est-ce donc? D'accord. Donc on a Antoine. Donc Antoine, il est en train de plastifier les affiches du festival et de la foire des éducations populaires qu'on fait le week-end prochain du 8 ou 9. On vous invite tous à venir faire de l'éducation populaire. On sera pas tout seul cette fois-ci. On a invité d'autres copains qui font la même chose, mais un petit peu différemment. Et ça va être super intéressant, déjà pour nous, pour vous. Et voilà, on vous invite à venir le 8 et le 9. Oui, même toi qui est assis sur une truc de chocolat en poudre. Je l'avais jamais dit au micro, j'avais envie de le dire. On me dit que c'est Antoine qui a la suite du programme. Donc, si on peut... ah voilà. Avoir les copains de Nice qui nous ont ramené du soleil, ben, derrière les nuages. Ouais, c'est un peu... Mais en fait, c'est un truc à la con qu'on dit toujours aux Parisiens, ben, c'est ramenez-nous le soleil, quoi. C'est... Ok. Je vous tends le micro et puis bah vous allez nous faire partager vos expériences de nuit debout Nice déco. Comment ? Bien devant la bouche pour ça. Ok. Bonjour. Donc on est venu de Nice à deux personnes, Alessio et moi-même, Florence, pour parler un petit peu de ce qu'on fait là-bas. Donc on a un espace qu'on s'est réapproprié depuis donc on a un espace Place Garibaldi à Nice qu'on s'est réapproprié depuis un an, donc enfin pas tout à fait parce qu'on a commencé le 8 avril. On occupe cet espace tous les soirs depuis un an sans interruption.